C'est vrai. Je ne suis pas grand. Déjà à l'école, on se moquait de moi. Et j'ai dû me battre pour montrer que j'existe, pour ne pas me faire marcher dessus. Mais pour eux, c'est l'apparence qui compte. Alors, comme je ne pouvais plus grandir mon corps, c'est sans faire de bruit que j'ai grandi mon cœur. Mais les filles, elles préfèrent les balèzes. Alors j'attends. Cachée dans mon t-shirt trop grand, j'attends celle qui m'aimera pour mes sentiments. Si beau, si grand, c'est elle que j'emmènerai là-bas.